La porte s'ouvrit. La majestueuse loi française, qui passe sur les affiches après la royauté, se manifesta sous la forme d'un bon petit commissaire de police, accompagné d'un long juge de paix, amené tous deux par le sieur Marneff. Le commissaire de police, planté sur des souliers dont les oreilles étaient attachées avec des rubans à nœuds barbotants, se terminait par un crâne jaune, pauvre en cheveux, qui dénotait un matois égrillard, rieur, et qui, pour la vie de Paris, n'avait plus de secret. Ses yeux, doublés de lunettes, perçaient le verre par des regards fins et moqueurs. Le juge de paix, ancien avoué, vieil adorateur du beau sexe, enviait le justiciable. « Veuillez excuser la rigueur de notre ministère, monsieur le baron, » dit le commissaire. « Nous sommes requis par un plaignant. Monsieur le juge de paix assiste à l'ouverture du domicile. Je sais qui vous êtes et qui est la délinquante. » Valérie ouvrit des yeux étonnés, jeta le cri perçant que les actrices ont inventé pour annoncer la folie au théâtre, et se tordit en convulsion sur le lit, comme une démoniaque au Moyen-Âge, dans sa chemise de soufre, sur un lit de fagot. « La mort, mon cher Hector, mais la police correctionnelle! Oh, jamais !» Elle bondit, elle passa comme un nuage blanc entre les trois spectateurs, et alla se blottir sous le bonheur du jour, en se cachant la tête dans ses mains. « Perdue, morte » cria-t-elle. « Monsieur, » dit Marneff à Hulot, « si Madame Marneff devenait folle, vous seriez plus qu'un libertin, vous seriez un assassin. »